Monsieur de Phocas de Jean Lorrain, cinquième partie. L'œil déboli. Presque un Laurent de Médicis, n'est-ce pas? Mais autrement intense, avouez-le, avec le recul de ses yeux fixes et le refus obstiné de cette bouche. Quelle énergie et quelle rancune dans l'avancement des maxillaires, aboutissant à ce menton étroit. Et comme on sent que cet enfant-là, au milieu des émeutes et des intrigues florentines, a dû assister à des choses tragiques. En vérité, il a le regard de haine et de stupeur, d'un qui aurait vu violer sa mère, insister étale, en maniant complaisamment le buste, et pourtant se tirer mon œuvre. Parfaitement. Je ne l'ai trouvé ni dans une petite ville de Lombrie, ni dans un village toscan. J'ai connu ce regard violent et ce front de pensée têtue et maladive. C'est un petit Italien qui m'a posé cet enfant, un misérable petit modèle atteint de phtisie, que j'ai rencontré un jour traînant sur le boulevard de Clichy quand j'avais mon atelier place Pigalle. Il y a bien 15 ans de cela. Un petit Napolitain de la place Maubert, venu mourir, loin du soleil, dans le froid et le noir du ciel parisien. Il toussait à fendre l'âme, le pauvre. Et tout grelottant sous les haillons de panne de son déguisement de transtévérin, il restait là à rôder autour des ateliers de peintre, n'osant rentrer chez lui par peur d'être battu. Il y avait déjà 2 jours qu'il errait là. Dans le brouillard de novembre, timide et terrifié, entre la honte d'aller s'offrir dans un atelier et l'effroi des siens. On ne voulait plus de lui nulle part, on le trouvait trop maigre. À peine avait-il enlevé sa chemise qu'on lui montrait la porte avec des plaisanteries de rapin, et quand je le ramassais, il y avait 2 jours qu'il n'avait mangé. Il y en a beaucoup comme cela, dans Paris. Qui crève la faim. Sa maigreur m'intéressa de suite. Et puis le faciès sympathica de la phtisie, cette expression de langueur ardente dont s'idéalise tout visage de poitrinaire et qui fournit tant à l'artiste. Bref, j'abordais Angelotto, je le confessais, à demi, et l'emmenais chez moi. Pauvre gosse, j'aurais dû le ménager et ne point lui faire payer mon hospitalité si vite. Mais je le sentais atteint et prêt à me filer entre les doigts. Dès le lendemain, je le faisais poser. Que voulez-vous? On n'a pas tous les jours l'occasion d'un chef-d'œuvre. Je fus odieux, je le sais. Mais j'aimais trop la farouche expression de ses grands yeux souffrants. Angelotto posa de longues heures. Résigné avec toujours dans ses prunelles cette stupeur haineuse où parfois je croyais lire un reproche. Et cette bouche, donc, cette bouche scellée comme un défi. Je m'acharnais sur cette cire avec une joie sauvage, une plénitude de volupté que je n'ai jamais retrouvée, car je sentais que j'y pétrissais une âme. Tout un passé de misère et de souffrance dont je fixais la synthèse à chaque coup d'ébauchoir. Toute une âme indignée et rétive, dont les sursauts de révolte enfiévraient magnétiquement mes doigts. Lui toussait de plus en plus, malgré les tisanes, les fumigations de goudron et le lit bien chaud installé près du poêle. J'avais fait venir un médecin. Je le savais perdu. Je le soignais de mon mieux entre chaque séance. Il ne me remercia jamais, se prêta sans maudire à toutes mes volontés, et mourut entre mes mains 20 jours après son entrée chez moi. Il s'en alla un matin de décembre, le matin de Noël, je m'en souviens, avec sur son lit des 100 tons de Naples, que j'avais trouvé par hasard chez un brocanteur de la rue des Abbesses, et que j'avais acheté pour lui. Povero Angelotto! Il avait encore posé la veille de midi à 4 heures. Je n'aurais jamais cru qu'il filerait si vite. J'eus des ennuis après, à cause de l'état civil et des parents qu'il me fallut rechercher et prévenir. Il fallait bien déclarer le décès, mais avec ces Italiens, cela me coûta 3 billets, 2 000, sans parler de la concession au cimetière Montmartre. Quand je suis à Paris, je vais lui porter des fleurs à la Toussaint. Mais avouez que j'ai là un chef-d'œuvre. Étale parlait en monologue, singulièrement animé, comme grisé de ses paroles. Mais déjà depuis quelques minutes, je l'entendais et je ne l'écoutais plus. Je regardais tout saisi, l'énorme main aux phalanges velues qu'il crispait, comme une serre sur la chevelure alourdie du buste. Une serre, en vérité, une serre d'oiseaux de proie, dont 3 bagues, étranges, accentuaient encore le caractère féroce et animal, l'une au pouce, l'autre au médius, et la dernière à l'annulaire, 3 grosses perles, irrégulières et difformes, l'air de pustules de nacre qui, sur la main granuleuse et sèche du peintre, exagérait encore le côté griffu de ses doigts. Cette serre de vautour, par une bizarre hallucination rétrospective, je la voyais traînant l'agonie du petit modèle italien. C'était ses doigts de volonté et de volupté cruelle qui, certainement, avaient hâté la mort de cet enfant. Cet étal, il souriait comme en extase, je me sentais exaspéré de haine pour tout le mal qu'il avait déjà fait, et que ferait encore cette horrible main. Les racontars de Théramon me revenaient aussi. Quelle sinistre mixture pouvait bien contenir ces perles hideuses et blêmes, comme autant de boursouflures malsaines surgies sur ses doigts. Une insolence me vint aux lèvres. Je désignai ses bagues. Sont-elles empoisonnées, celles-là ? Étale avait reposé la cire sur la tablette et tout en maniant les étranges joyaux. Ah, on vous a dit ? Ponctuait-il d'un léger sourire. Non, celles-là ne le sont pas. Mais si cela vous intéresse ou vous préoccupe, je puis vous montrer un bien curieux anneau. Venez-vous ? Assez de cire pour aujourd'hui, n'est-ce pas ? Le temps de m'installer sur le sonneau de son vaste atelier, de disparaître et de reparaître dans l'épaisseur du mur par une petite porte que je ne soupçonnais pas, et Étale, debout près de moi, me tendait délicatement entre le pouce et l'index une bague assez bizarre. « La voici, regardez-la » C'était une émeraude carrée, une émeraude cabochon, d'un vert assez pâle, du vert laiteux de la chrysoprase, où semble luire et trembler un jus d'herbe, de griffes d'acier, niellées, d'or, l'étreignait d'un travail assez barbare, 2 serres d'épervier crispées sur l'eau glauque de la gemme, et se rejoignant ensuite en ondulations de flots. Je sentais le regard d'Étale appuyé sur le mien. « Vous ne la connaissez pas. Voyons, vous êtes pourtant allé en Espagne. » À l'Escurial, les appartements privés de Philippe II, dans le trésor faussement appelé l'écrin de Charles Quint. Vous n'avez pas vu cette bague verte ? Cette larme, on dirait le poison, recueillie dans les serres d'un invisible oiseau de proie, elle a pourtant une assez belle légende. « Et si non ne verra, bene trovata !» L'œil d'ébolie, la tragique aventure de cette chère princesse. Ah, ce bon Philippe II était un seigneur, peu commode, et ce fervent brûleur d'hérétiques avait des jalousies de tigre et des façons de faire un peu fauve aussi. Cette pauvre Sarah Pérez n'eut pas toujours à se louer de son royal amant. Mais aussi quelle idée pour un bon catholique de se prendre d'une juive. C'était déjà la revanche d'Israël. Une juive dans le lit d'un roi d'Espagne, une juive favorite d'un Habsbourg. Ignorez-vous vraiment cette histoire? Elle doit être apocryphe, mais cadre si bien avec la ressembleur morne de l'Escurial, et résume si parfaitement l'âme noire du père de Don Carlos. Telle qu'elle est, on la chuchote là-bas, et la voici pour votre éducation et notre joie. Cette Sara Pérez avait les plus beaux yeux du monde, les yeux d'eau verte pailletée d'or que vous aimez, les yeux d'Antinous. À Rome, ces yeux-là l'auraient faite concubine d'Adrien. À Madrid, ils la firent devenir princesse d'Eboli, en la couchant toute nue dans le lit du roi. Mais Philippe II jalousait fort ses grandes prunelles d'émeraude et leur transparence. Et la princesse qui s'ennuyait dans le palais funèbre, et la société plus funèbre encore de son roi, eut un beau jour, en sortant de l'office, le malheur et la fantaisie d'arrêter ses admirables yeux sur le marquis de Posa. C'était au seuil de la chapelle, et la princesse se croyait seule avec sa camarera Bayor. Mais la vigilance des cagoules la trahit auprès de Philippe. Et le soir, dans l'intimité de l'alcôve, ou au cours d'une explication violente, ou d'un orage corps à corps, le Habsbourg, enfiévré de mâle rage, terrassait la favorite, et d'un coup de dent, lui arrachait et dévorait l'œil. Ce fut la princesse ensanglantée, un beau titre pour un conte cruel. Villiers de l'Isle-Adam l'a omis dans les siens. La d'Eboli demeura borgne. L'ami royal eut désormais un trou béant au milieu du visage. Philippe II, qui avait sa juive dans le sang, n'en garda pas moins près de lui la princesse, n'a qu'un œil. Il la dédommagea, par quelques titres et gouvernements de province, mais au regret de la belle prunelle verte qu'il avait gâtée, il fit incruster dans l'orbite vide et saigneuse une superbe émeraude enchâssée d'argent, dont les chirurgiens d'alors firent un semblant de regard. Les oculistes ont fait des progrès depuis. La d'Eboli, déjà impressionnée par la perte de sa prunelle, mourut à quelque temps de là des suites de l'opération. Elle rejoignit son œil dans la tombe. Tout était barbare sous ce Philippe II, les façons d'aimer et les chirurgiens. Philippe II, amant inconsolable, donna ordre d'ôter l'émeraude de la face de la morte, et la fit monter en bague. Il la portait toujours au doigt, et ne s'en séparait même pas pour dormir. Et quand il mourut à son tour, il avait, dit-on, cette larme verte à l'annulaire de la main droite. C'est la bague identique que vous tenez, mon cher. Je l'ai fait ciseler sur le modèle de l'anneau du roi. Un travail damasquiné bien espagnol, car la véritable est toujours à l'Escurial. Il m'eût été doux de la dérober, car j'ai facilement des instincts de voleur dans les musées. Et les objets qui ont un passé historique, un passé tragique surtout, m'ont toujours singulièrement requis. Je ne suis pas anglais pour rien. Mais ce qu'on réussit assez aisément en France n'est point praticable en Espagne. Les musées ont de vrais gardiens. J'ai donc dû me résigner à en commander une semblable à un joaillier de Madrid. Il possède bien ce travail. Ses griffes sont curieusement ciselées. Mais la merveille en est la pierre. Non pas qu'elle soit très limpide et pèse beaucoup de carats, mais remarquez comme elle est creuse. Et vous voyez cette goutte d'huile verte qui se déplace et larmoie entre ses parois, c'est une goutte de poison, un toxique de l'Inde, d'une rapidité foudroyante, et tellement corrosif qu'il suffit d'en effleurer la muqueuse d'un homme pour l'assommer et l'étendre raide. C'est la mort instantanée, le suicide sûr et sans agonie que je possède dans cette émeraude. Un coup de dent, et Étal faisait le geste de porter la bague à ses lèvres, et l'on quitte ce bas monde, de bas instincts et de basses œuvres, pour entrer d'un bond dans l'éternité. Le voilà, l'ami vrai, le Deus ex machina, qui défie l'opinion et nargue la police. Et nous vivons dans des temps difficiles, et les magistrats d'aujourd'hui sont bien curieux. Saluez comme moi, cher ami, le poison qui sauve et qui délivre. À votre service, si vous aviez un jour des ennuis. Liseur d'âme, le voilà, l'ami vrai, le Deus ex machina qui défie l'opinion et nargue la police. Et nous vivons dans des temps difficiles, et les magistrats d'aujourd'hui sont bien curieux. Saluez comme moi, cher ami, le poison qui sauve et qui délivre. Septembre 1898. À votre service, si vous aviez un jour des ennuis. Avec quel ton étal m'a dit cela? Vraiment, on aurait dit que... À un moment, j'ai vu rouge. J'ai cru que j'allais lui sauter à la gorge. Pour qui me prend-il? Est-ce que par hasard, il me rangerait au nombre des sadiques et des violateurs d'enfants, que sont presque tous ses compatriotes? Ces puritains anglais aux faces congestionnées de porto et de gin, ces repus de viande rouge et ces surexcités de pickles, qui, le soir, trouvent l'apaisement de leurs sens surchauffés dans les bureaux de placement de servantes irlandaises. Les pauvres petits impubères aux larges yeux de fleurs que la misère de Dublin envoie tous les mois aux minotaures de Londres. Oh, la roi des cruelles sensualités anglaises, la brutalité de la race et son goût du sang, son instinct d'oppression et sa lâcheté, devant la faiblesse comme tout cela flambait dans les yeux d'étal, pendant qu'il s'attardait avec une joie de félin à me raconter l'agonie voulue de son petit modèle. Angelotto, le petit Italien phtisique de la place Maubert. Je sentais monter en moi une sourde haine. Avec quel cynisme il étalait devant moi la sanie de sa plaie morale, et pourtant il émanait de lui comme un horrible charme. Plus j'examinais cette tête douloureuse, plus j'en admirais la stupeur tragique et l'air de défi, plus je regrettais de n'avoir pas connu ce misérable enfant. Je l'aurais soustrait, moi, à la meurtrière emprise du peintre, et mon aversion pour Étal s'ulcérait en même temps d'une étrange rancune. J'en voulais moins à ce monstre de l'avoir tué que de l'avoir connu. C'était comme de la jalousie. Quel fond de boue cet Anglais remue-t-il donc en moi? 15 septembre. Je ne veux plus voir cet homme. Si je partais pour Venise, Venise est le calme apaisant de ses lagunes, le charme de mort et de passé grandiose de ces allées de palais et d'eau. Oh, la fuite glissée des gondoles sur l'huile lourde et plombée des canaux. Le épope jeté dans le silence au coin désert des rues. Et le matin aux premières rougeurs de l'aube, mes longues heures de rêve et de contemplation ravies. Avant le réveil de la cité aux fenêtres du palais Dario. Seul devant la solitude du grand canal et les dômes de la Salute, apparus de satin dans une Venise de perles. Oui, Venise me guérirait. J'y échapperais à la tyrannique obsession d'Étal. Je m'y referais une âme de jadis, une âme somptueuse et de beauté devant les tiepolos du palais Labia et les tintorets de l'Académie. J'y cultiverai, non, j'y ranimerai peut-être une candeur perdue devant les divines figures de Carpaccio. Folie pour folie, ne vaudrait-il pas mieux méprendre du Saint-Georges des Schiavoni ou de la Sainte-Ursule de l'Académie que de rêver vilainement devant une cire morbide de cet affreux étal? Oui, il faut partir. D'ailleurs, Orbain n'ordonne-t-il pas Venise aux neurasthéniques? Le climat y est d'une douceur abolissante, et il y a comme un baume endormeur dans le silence de cette cité de l'eau. Venise me sauvera d'Étal, et puis j'y revivrai un peu de ma vie. Venise, quel souvenir! 20 septembre. Venise, j'ai cru y rencontrer une fois l'implorant regard qui m'obsède, cet œil trouble et vert qui a fait de moi un misérable déséquilibré et déclassé, un fou. Je me souviens, c'était à l'Hospédal, à la section des Vénériennes, dans l'atmosphère fade et tiède d'une grande salle, aux murs peints à la chaux, aux vitres incendiées de soleil par la plus belle après-midi. Elle était étendue parmi la blancheur douteuse de ses draps d'hôpital, et sa chevelure d'un rouge à cajou, étalée sur ses oreillers, faisait paraître plus terreuse encore sa face jaune de syphilitique. Elle se taisait immobile, au milieu des chuchotements, à peine baissée de ton à notre entrée, de 20 autres femmes, 20 convalescentes ou moins malades se bousculant, en camisole, autour d'une table encombrée de verroteries, de numéros et de cartons. Toute la salle valide, avec l'animation de gestes et de voix propres à la race, jouait à la loterie. La malade à la pâleur de cire, elle seule, ne parlait pas, ne bougeait pas. Mais entre ses cils mi-clos, une eau verte et pailletée d'or luisait, une eau dormante et triste, et pourtant incendié de lumière, comme le lit d'une source obscure à l'heure de midi, et un si douloureux sourire contractait en même temps les pauvres lèvres fanées et le coin des paupières meurtries, qu'un instant j'y crus voir resplendir l'expression d'infinie lassitude et d'extase enivrée des yeux d'Antinous et de l'ancien pastel. Je me penchai curieusement sur le lit. La face s'était détendue, les yeux s'étaient fermés. Un spasme comme elle en a souvent, disait le médecin qui nous accompagnait. C'est une tumeur des ovaires, celle-là est condamnée. La dolente émeraude n'avait lui que l'espace d'un éclair, et pendant une seconde, l'œil d'Astarté était remonté au bord de ses paupières et mon âme au bord de mes lèvres. La moribonde de l'Hospédal avait, je me le rappelle, dans toute sa face exsangue, la transparence verte du buste d'Angelotto, de l'obsédante cire. Coïncidence étrange, deux regards d'agonie, puisqu'elle et lui étaient déjà frappés, destinés à mourir. Ses yeux glauques et désirants, j'ai cru les rencontrer encore un soir. C'était à Constantine, dans la rue des Échelles, la rue des filles et de la prostitution, qui dévale si raide au-dessus du Rommel. De café mort en café mort, et de posadas espagnoles en buvette maltaise, comment nous étions-nous échoués dans ce bouge équivoque de fumeurs de kiff? Une mélopée aiguë et monotone y glapissait de fifres et de derboukas, et au milieu d'un cercle d'arabes accroupis. Deux êtres exsangues, aux yeux tirés et morts, aux souplesses de couleuvres, s'y déhanchaient, abominables, avec d'étranges creusements de reins. Oh, les appels désespérés, presque convulsifs de ces bras grêles, au-dessus de ces faces figées, les yeux peints, les joues peintes, ils se tordaient invraisemblablement sveltes dans des frottements de gaz, et de tulle lamée d'or comme en portent les femmes, secouées de temps en temps de la nuque aux talons par de courts frissonnements de tout l'être, comme sous une décharge de piles électriques. Tout à coup, un des danseurs s'immobilisait tout raide, avec un cri perçant de hyène, et dans ses prunelles révulsées, je vis resplendir l'introuvable regard vert. Je m'élançai vers lui et le prenai au poignet. Il venait de s'affaisser, une écume aux lèvres. C'était un épileptique, et qui pisait. Un pauvre être aveugle, un misérable danseur kabyle, épuisé de vices et de phtisie, destiné sous peu à mourir. La vénitienne de l'Hospédal était condamnée, elle aussi. Serais-je amoureux d'agonie? Effroyable et déroutant cet invincible attrait vers tout ce qui souffre, et ce qui se meurt. Jamais je n'avais vu si clair en moi-même cet irréparable tard de mon âme malade, et tal l'avait-il assez deviné le soir où il me mit devant cette poupée d'abord, et cette cire ensuite, cette cire dans laquelle j'ai trouvé, modelée avec amour, l'effigie même de la douleur et de l'espèce de douleur qui me plaît. Le danseur kabyle agonisante de Venise, le petit modèle phtisique de Montmartre, c'est la même série, et cet anglais lit à livre ouvert dans mes déplorables instants. Comme je le hais. 28 septembre. Je ne pars plus. J'ai revu Étal. Cet homme m'a repris. Je venais de boucler mes malles, et debout devant une table, j'achevais de rouler les cannes et les parapluies dans ma couverture de voyage, quand une main s'est posée sur mon épaule, et une bouche ricaneuse a gouaillé dans mon ombre. Je veux oublier qui j'aime, emportez-moi loin d'ici. En Flandre, en Norvège, en Bohême, si loin qu'en chemin reste mon souci, que restera-t-il de moi-même, quant à l'oublier, j'aurai réussi? C'était lui, il avait deviné que je partais. Comment? C'est à croire que cet homme a la double vue. Vous ne le trouverez pas, faisait-il en esquissant un geste vers ses petits yeux luisants. Le regard est en vous, et non pas chez les autres. Allez en Sicile, à Venise, et même à Smyrne. Ah, malade que vous êtes, vous emporterez avec votre mal avec vous. C'est un regard de musée que vous cherchez, mon ami. La civilisation pourrie d'une grande ville comme Paris ou Londres pourra seule vous l'offrir. Pourquoi vous dérobez-vous au milieu de la cure? Avez-vous à vous plaindre de moi? Vous n'avez déjà plus la hantise des masques. Et si l'envie du meurtre s'exaspère en vous, vous ne suffoquez plus la nuit en râlant vers des êtres irréels. Je vous ai sauvé du rêve en vous ramenant vers l'instinct, car c'est un bel et solide instinct naturel que celui du meurtre, et aussi sacré que celui de l'amour. La misère et la prostitution pourront seules vous donner, chez un être naïf et victime des lois, l'expression du regard qui vous tente. Ce sont des yeux de torturés que vous cherchez, la divine extase effarée, suppliante, la volupté épouvantée des yeux de Sainte Agnès, Sainte Catherine de Sienne et des Saints Sébastien. Nous les trouverons, ces yeux, je m'y engage, mais ne vous défiez pas de moi. Ne partez pas, c'est inutile. Je vous ai promis la guérison. Par la tombe de mon petit Angelotto, je tiendrai parole. Quelques monstres. 8 octobre 98. Gardez-moi donc votre soirée de demain et venez goûter aux nouveaux thés verts qu'on vient de m'envoyer directement de Chine. J'ai tout un lot d'excentriques à vous montrer. Quelques cosmopolites, dont deux compatriotes que le plus grand des hasards m'a fait accueillir, hier au thé de l'avenue Marbeuf. Je vous ai promis à leur curiosité, puissent-ils ne pas décevoir la vôtre. Maud White, connaissez-vous cette tragédienne, a une façon étrange de lire le Baudelaire, pas la moindre prononciation. Mais vous préférerez peut-être son frère. Ils seront tous deux chez moi demain. Et d'autres encore. Venez après minuit, nous verrons à organiser une petite fumerie d'opium. Ceci ne fait pas partie de la cure, je fais en ce moment avec vous de la médecine d'observation. Je vous guérirai. Cela, soyez-en certain. À demain donc, soyez là vers 10 heures. Votre complice, Claudius Étal. Étal reçoit donc maintenant. Qu'est-ce que cet arrivage de nationaux? auquel il m'a promis en exhibition, et qui veut-il mystifier demain? Ces Anglais ou moi? Moi ou ces Anglais? Je n'aime point cette invitation, et puis je me méfie du thé et des drogues asiatiques d'étal. Suis-je une bête curieuse pour que l'on convie ainsi les lubins et les cooks à une petite fête d'opium où opérera le duc de Fréneuse? J'ai vu de cette Maud White des photographies assez captivantes. Le studio a plusieurs fois reproduit de ses costumes dans des rôles de Shakespeare, et je me souviens d'elle dans une assez mystérieuse Cordelia. Mais elle a un talent de second ordre. Je ne l'ai jamais vue à Londres. Je ne répondrai même pas à Étal. Et ces Anglais ne me verront pas. 10 octobre. L'équivoque est singulière, soirée, et l'anormale impression de demi-rêve, d'hallucination à l'état de veille, et de cauchemar inachevé qu'ont laissé en moi ces êtres aux gestes d'automates et aux yeux trop brillants, tous l'air bien plus de fantoches que de personnes réelles, à travers leurs divagations de somnambules et les raffinements de leurs élégances voulues. Si je n'avais touché leurs mains et frôlé leurs vêtements, je croirais encore avoir rêvé. Et pourtant je ne regrette pas d'avoir assisté à ce thé. D'abord dans l'étrange décor de l'atelier d'Étal, ce soir-là tout transformé par le luxe inusité d'immenses tapisseries flottantes, à peine fixées par des anneaux passés dans des tringles de cuivre. C'était la veillée solennelle de tous les bustes de son musée de cire. Sorti pour la circonstance de la petite pièce où il les détient et posé sur des pieds-douches, toutes ces faces de souffrance ou de volupté figée se mêlaient bizarrement aux personnages tissés des hautes tapisseries, varlets de meute aux pourpoints tailladés, aux barons raidis dans des corselets de fer, et châtelaines aux jupes lourdes. Toute une foule de jadis semblait processionner le long des murailles, avec, çà et là, un visage de spectre émergeant de l'ombre dans les méplats strictement modelés d'une des têtes de cire, une face hagarde aux prunelles vides et aux sourires peints. Plantés dans d'énormes chandeliers d'église, 12 longs cierges brûlaient, 3 par 3, dans chaque coin. Clarté fuligineuse dont l'atelier d'Étal semblait comme agrandi, les angles reculés dans de l'inconnu. Décor équivoque en vérité, mais plus équivoque compagnie que cette Maud White et son frère. Elle, souple, grasse et blanche, jaillit dans sa nudité laiteuse hors d'une gaine de velours noir, les bras et les seins outrageusement offert, lui comme corseté dans un habit à revers de moire et un gilet de brochet noir, tous deux d'un blond pâle, presque argenté, du blond des enfants d'Espagne dans les portraits de Velasquez, et d'une ressemblance aussi gênante pour l'homme que pour la femme, tant cette ressemblance de l'un et de l'autre les désexuait. Puis c'était la duchesse d'Alternayshire, et ses épaules luisantes de phare, ses bras gras de céruse, ses pommettes allumées de rouge dans l'incendie du demi-million de diamants ruisselant des oreilles à la gorge. La duchesse d'Alternayshire, mauve de la racine, de ses cheveux teints à l'orteil, de ses pieds gantés de soie lilas clair, mauve par sa robe mauve, et mauve par la fanerie de ses chairs récrépies, repeintes et marinées dans 30 ans de baume, d'onguent et de bain-joint. La duchesse d'Alternayshire et le fabuleux carcan de perles qui semble soutenir dans un cornet de nacre sa face et effroyable de reine Élisabeth. La duchesse d'Alternayshire, l'ancienne danseuse épousée par le duc et qui, veuve et toujours riche de son passé, promène aujourd'hui à travers le monde, de Florence à la Riviera et de Corfou aux Açores, les millions de Laure Burdett et ses vices d'ancienne étoile de music hall, car elle n'était même pas à l'opéra. Puis c'était Meinherr Chapman, grand et mince allemand à tête chevaline, à la démarche sautillante et dont les gestes précautionneux s'empêtraient dans un cliquetis d'opale, celle d'un long chapelet qu'il portait au poignet droit. Meinherr Frederick Chapman, cravaté d'un énorme nœud de soie blanche et long redingoté de noir, avait l'air d'une sarigue endiamantée, tant il reluisait de bijoux. Venaient ensuite quelques habits de Londres, boutonnières fleuries d'orchidées, face soigneusement rasée aux gras cheveux fluides et aux raies impeccables, puis une face sombre, enturbanée de blanc, un grand hindou, très correct en smoking, avec des saphirs de Ceylan et des perles à tous les doigts, un hindou splendide, amené là par la duchesse, à moins qu'il ne le fût par l'allemand. « Vous n'avez pas eu peur de la police, hein ? Quel beaucoup de filets ce soir ! Si elle s'avisait de faire une descente chez moi ! J'ai eu un moment envie de les prévenir. » Voilà les mots avec lesquels m'accueillait Étal. Les présentations suivirent. Maud White, enroulée dans son velours comme une statue dans sa draperie, daigna m'envelopper d'un regard presque tendre de ses larges yeux, car cette Anglaise a les plus beaux yeux du monde, des yeux d'un vert de tige gâté, malheureusement par l'ovale un peu lâché du bas du visage. Le frère Sir Reginald Wright daigna incliner la cambrure de son torse et me marquer sa joie de connaître le collectionneur. « La tête est lourde, » me chuchotait tout bas Étal, « mais elle a une peau divine, et un corps, mais rien à faire. Maud est chaste et répugne au contact de l'homme, une vocation ou un vice. La vérité est qu'elle joue Zohar. Oui, parfaitement, le frère et la sœur ensemble. Cela se dit, mais il ne me déplaît point de le croire. Dans l'intérêt de leur gloire, il serait même imprudent de le démentir. Elle s'est fait une réputation dans l'inceste et dans le Swinburne, ici et dans le Baudelaire, à Londres. Elle révèle les poètes étrangers, elle nous dira ce soir du Baudelaire. Et m'emmenant au fond de l'atelier, « Je ne vous présente pas à la duchesse. D'abord, vous n'êtes pas son type, et puis elle n'a Dieu ce soir que pour l'hindou de M. Chapman. Elle va certainement le lui lever. » Pourquoi alors inviter ce monstre? La duchesse, elle meuble horriblement un salon et met en valeur la beauté des autres femmes. Quelle splendide idole elle fait sous ses diamants opimes, et comme elle noircit sinistrement sous son phare, je ne puis la regarder sans songer à la juive Esther. Esther que Mardoché fit macérer 6 mois dans la myrrhe et le cinname, avant de la présenter à Assuérus. Les chairs déteintes d'aromates, elle devait avoir ce ton-là. Mais Esther était jeune, tandis que 40 ans de prostitution, on faisant des l'autre. Quelle belle putréfaction on sent sous les mailles de ce phare et dans les ravins de ses rides. J'aime son air de pestiférée et de vierge noire attifée de satin, comme on en voit dans les chapelles d'Espagne. Comme elle ferait bien, en Madone de l'épouvante, dans un cortège de pénitents de Goya. C'est Notre-Dame des 7 luxures, comme l'a appelé Forain un soir, au Savoie. Et avouez que le nom lui va bien. Je ne vous présente ni Chapman, ni l'hindou de Chapman. Ce cher Fred n'est intéressant que lorsqu'il donne le pourquoi de ses voyages au Japon. L'excursion qu'il entreprend au pays du Nippon tous les printemps en quittant Alexandrie. Il va là, dit-il, pour voir les pruniers en fleurs. Au fond, c'est une âme de modiste. Il aurait dû s'appeler Charlotte et beurrer des tartines. Des tartines au petit-neveu de Wilhelm Meister. Je parierais qu'il raconte à ces messieurs son enthousiasme des pruniers ou l'aventure de son dernier achat, le chapelet d'opale qu'il tient entortillé autour de son bras. Il les collectionne. Souvent, d'Orient, ce sont des chapelets de la Mecque. Cela se trouve partout en Alger. Quant à ces messieurs, mes compatriotes, des John Bull sans importance, mais qui ne goûtent pas plus le séjour de Londres que votre serviteur. Tous collectionnent quelque chose. Celui-ci, les fourreaux de sabre. Celui-là, les boucles de peinture et de la reine Anne. Cet autre, les souliers du roi de Rome. Ou les sabretaches du prince Murat. Il faut bien faire quelque chose, et sinon s'occuper. Occuper le monde de sa petite personne. D'ailleurs, ils ne comprennent pas un mot de français et ne parlent que l'argot, comme il sied à des étrangers de vice distingués. Je vous présenterai tout à l'heure à quelqu'un qui, lui, quoique anglais, vaut la peine et vous intéressera. Nous attendons aussi quelques Russes. Mais pardonnez-moi, je vais demander à Miss White de nous dire quelque chose. Maud White, alors en train de flirter avec son frère, les yeux dans les yeux et presque lèvres à lèvres, avec une royale impudeur, se levait indolemment à l'approche des talles, et les seins presque jaillis du corchage, avec des mouvements félins de l'échine et des hanches, accueillait sa requête. Les prunelles coulaient sous les paupières plissées, dans une telle offrande de tout son être qu'elle en allumait les regards endormis de l'hindou, et par contre-coup, l'œil éraillé de la vieille Althorne Shire. Non, pas du Baudelaire, j'en suis Flappy, minaudait Miss White, qui elle aussi maniait l'argot, n'est-ce pas, Reginald? Et Reginald intervenait, défendait sa sœur et optait comme elle pour de l'Albert Samin. Au jardin de l'infante, ce livre si chargé d'orage et de luxure, d'un charme si opprimant et malsain. Des soirs fiévreux et forts comme une venaison, mon âme traîne en soi l'ennui d'un vieil Hérode. Est-ce assez cela, n'est-ce pas? Moi aussi je trouve à toute pensée un goût de trahison. Est-ce assez notre cas à tous? Et elle traînait coquettement sur les mots. « Je vais vous dire la luxure. Vous savez les grandes litanies ?»« Luxure, fruit de mort à l'arbre de la vie. Luxure, avènement d'essence à la splendeur. Je te salue, ô très occulte et très profonde. Luxure, idole noire et terrible du monde. » Et avec un avancement fripon de sa langue entre la nacre de ses dents, et ce sera très de circonstance, et bien dans son cadre chez vous, cette ode à la luxure, n'est-il pas vrai, étale?